The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. On this playlist, we're going to listen to Creole music, and most of the music is coming from Haiti, and the playlist has been assembled by my friend Jinan Saint-Just from Afoutaï. She was in the Twin Cities for a while, and she is now in Canada with her family to be safe. And I apologize in advance for the pronunciation, as I do not speak Creole. Allez, on y va! First, we're going to listen to Emeline Michel with L'Odeur de ma Terre, The Smell of My Country, Earth, Ground. I think Motherland is a good one, The Smell of My Motherland. Then we're going to listen to Mano Charlemagne with Le Mal du Pays. It means missing your homeland, or the part of the homeland you're from. Then we're going to listen to Sito and Guito Cave with Essie and Eve, and it's featuring Reginald Lubin. Je te parle d'un pays qui n'est plus un paradis, mais où dansent des paysannes aux grandeurs d'une courtisane, sauter les gens tarlatanes. C'est comme couler dans mon sang, caché sous ma peau d'ébène, son odeur de citronnelle qui se fond dans la cannelle, son petit goût de caramel. Ou pas qu'à tromper, non, je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. La misère nous fait la peau, nous m'adonne un caracol. Laisse la plage aux abricots sur de tout petits bateaux, mais elles gardent leur drapeau. Dis bonjour, comment nous y est? Trop longtemps, moi pas goûté. En godé, j'ai grenadine, en tablette, ce cocoyé, et la pulpe de mandarine. Ou pas qu'à tromper, non, je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. C'est mon paradis, mais c'est mon pays. Ou pas qu'à acheter, je ne vais pas le troquer. On a un drapeau, nous croquer bien haut. Après la tempête, on fera la fête. Ou pas qu'à tromper, non, je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, non, pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Ou pas qu'à tromper, sans payer gain de la peau. Et les coquilles bien haut. Non, pas tromper, pas tromper, pas tromper, pas tromper. Je connais le gars, moi je connais, je connais, je connais, je connais l'odeur. Ouh yeah, ouh yeah, ouh yeah, ouh yeah.

partait tous les deux. Bien loin sous d'autres cieux, comme de jeunes amoureux. Et si, si on partait tout joyeux, loin des regards envieux, loin des regards curieux. Si on parcourait la terre au-delà des frontières, rien que nous deux n'était comme l'hiver. Et si on choisit d'être heureux, si ce n'est pas un vœu pieux, si tu dis oui je veux. It was Emmeline Michel with L'Odeur de ma Terre, then Mano Charlemagne with Le Mal du Pays, and Sito and Guito Cave with AC featuring Reginald Lubin. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Ticorn with Sous le soleil d'Haïti, Under the Haiti Sun, and two songs from Bello with Côté Mugnot and Banda. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux d'être vivant près de vous, pieds au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci, et je chante. Oui, parmi tout pays que me connaît sur la terre, seul Haïti original dit sans pareil. Paradis sur terre, pays de rêve, y'a un ciel de paix côté l'argent. Pas dit bonheur côté tout le monde, c'est mon tout le monde. Levé grand matin, gade tout le monde comment y a vivre. Zami, comment y est, et tout le monde est la caille. A nous pas qu'on qui grand bonheur gain Haïti. L'autre a fait zan pour y et tout frère a yo. Nous n'a pas qu'on bit gage manioc. N'a pas joué guitare, frappé tambour. Fait que content en papier boisson. Chaque jour, quand il foule, n'a dit bon Dieu, nous grand merci. Nous gagnons trésor dans la paix, paradis. Dans vos pays qui soi-disant civilisés, crime pour chaque jour, c'est pas centaines, y'a contrôlé. Ambition, l'argent fait que tout le monde perdit bonté, vini sauvage. Vive sans pitié, que y'a bien du tant pis pour l'autre. Haïti, chérie, gardez forfait dans le cinéma. Pas gardez gros caille, gros folie. Où c'est l'idéal, maman? Hey, où c'est l'idéal? gen vakans 3 mwa. Son plezi pou mwen desan gay gwen siya. Pou nal manje mango, al beyen nan godlo. Mwen son yo sa kom si sete yo diya. Pou nou man tout si zan mi sou kache ya. E na fe jet la go, je football lak boyo. Mwen konye ya, bagay yo chanje. Mwen pa we ti moun jwi map ni jwi. Ou sle yo pa sote kot moun te ka. Kote moun yo, mwen pa we moun yo. Kote moun ki kon jwi football avem. Pa we ti moun ki de gredi avem. Kote moun yo, mwen pa we moun yo. Kote moun ki te important nan kem. Pa we ti moun ki te gredi avem. Jan sa kon bel chak swa. Len chita nan la kouwa. Tout si moun nan pie granpa. Kap rakonte bel istwa. Jan sa kon bel. Len nou desan nan jante. Al manje kashiman sou pie. Mwen koko ye ole. Nou fe la vi one bebe. Men konye a. Bagay yo chanje. Si moun yo pito manje. Manje kashite bagay. Ki se tale. Kote moun yo, mwen pa we moun yo. Kote moun ki kon jwe football avem. Pa we moun ki kon ale gol avem. Kote moun yo, mwen pa we moun yo. Kote moun ki de important again. Pa we ti moun ki de gredi avem. Chanche, chanche yo. Kesa ki etile. Chanche pa we yo. Kesa ki de pote. Kesa kalmen moche. Chanche mpa weyo. Chou yo pa kolide. Kesa ki toujou la. Ki gen l'espoir. Sa va chanke ya delire. Se bon vre. Wolo. Se bon vre. Soleil la picho, fait champagne gaillé tout côté. Voisin passe plein voisin, cousin, cousin, quand ça plaisir gaillé. Moi toute la vie est tête toujours, mon abat de prince pas prêté. Baby sous mon zin sandine, tout mon ap chargé, côte plaisir gaillé. Un bon plaisir, mais qu'est-ce la caille? Fait champette pas mandé gros, pas gain différence niveau. Depuis où la wap j'ai une ambiance pour bibiti, on t'y danse qui t'a mette ou en trans. Non, fait champette tout le monde mêlé, son bon moment pour rencontrer. Même si y'a plein de pral séparé, n'a oué l'autre année si pété. Pour nous tous les yeux, les gens la caille, quand t'as une bonne taille. Chauffeur camion ak major Jean, tout moun ap fè l'argent. Oui c'est comme ça nou te kon fè ça. nous pas gêné, l'aime de condenser rara. Nous gagnons qu'il te quitte très fort, qui va exister l'autre côté. Touriste dans le monde entier, qu'on débarque et vient admirer folklore. Gratis son nouveau plus que l'or, et pourtant c'est l'inégligé. Sérénade en bas fenêtre, que mes jours faites, nous pas faire ça encore. Pour nous prendre plaisir, les gars, ça It was Ticorn with Sous le Soleil d'Haïti, and then two songs from Bello, Côté Mugno and Banda from his album Haïti Debout, Haïti Stand Up. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Bituva Obas with Couleur Café, Coffee Color, and it's a cover of the song from Serge Gainsbourg, Couleur Café. Then we're going to listen to Moonlight Benjamin with Olao, High Up There, and then Ansi des Roses with Merci, Thank You. Ta couleur café.

tout ce que tu fais pour me combler d'amour. Sorti dans le ciel, bon Dieu, c'est vous seul qui connaît, ça t'aime même pas protéger, je dis à ma chanter. Merci pour tout ça fait pour moi, mais tout le monde que je t'aime, ou même pour ramasser. Merci pour l'amour qui est pour moi, qu'à ce fait. Pour cause de parenté, merci, cent fois, mille fois, merci, car l'amour pas détruit, même s'il fait mon souffrir. Merci, ma pépite, merci, pour tout ça fait pour moi, pour changer vivre en bien. Was Bitova au bass with Couleur Café, then Moonlight Benjamin with Olao, and Ancy Des Roses with Merci. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to finish the set with four songs. The first one is from Strings with the title L'Humain Casimir. The second one is from Zekley with Chanter l'Amnou, then Yannick Etienne with Soulamné, and Ginelle Boucan with Anna Lewy. Si la canciel t'es gué voix, si la canciel t'es qu'à chanter, c'est en Kouliman li t'a chanté. Côté l'Iman prend la voix, guéant tout bion qui levait. Mande pied palmi si on dansait. Et Bob ça, c'est n'entend sans plaît. Si vous faites avant hier, ou pas qu'à qu'on est. Comment haïtien t'es fou pouli? Comment y'a t'es remé? L'Iman Kazili. Tikaï sans lumière qui t'est dans la cour fort Saint-Clair. T'es gagnant fille qui poitrine. C'est là yo vin remisel. Gagnant seul moun capo qui pèle. Et c'est pas tous les jours le vini. C'est des toi, ti moun en voisinage. Qui compte fait ti goutaï ou pas li manger. Sans qu'on ait, c'est yo dernier zombie. L'aile mourit, lentement la chanter. Tout le monde l'était sa vie, oh youn pas présenté. Mais c'était un jour sans soleil. Si elle a tapé, crié, tout le monde a dit, oh prendre. Bien l'aumier, qui était sous place Saint-Anne. Yo plié, yo penché pour yo saluer l'Iman. Et l'enfant qui t'a passé, qui manifestement yo tande la chante. Papa gede bel garçon, gede ni beau bel garçon, habillé tout en blanc, ou l'al monte au palais. L'al habillé tout en blanc, li portrait en député. L'al habillé tout en noir, li portrait en sénateur. L'al habillé tout en blanc, li portrait en député. L'al habillé tout en noir, li portrait en sénateur. Gede bel garçon, gede ni beau bel garçon, habillé tout en blanc, ou la monte au palais. L'elle habillé tout en blanc, l'hypocrite en député. L'elle habillé tout en noir, l'hypocrite en sénateur. L'elle habillé tout en blanc, l'hypocrite en député. L'elle habillé tout en noir, l'hypocrite en sénateur. Oui, papa gede aje, gede ni beau. Pas j'aime connaître ça qui serait pour nous demain. mais ma veine pas choisi pour t'aimer l'homme. Destin nous toujours caché, you secret nous voulons connaître. Sous la mer,